misère en train de naufrage. SDF à l'horizon, ils ont même plus le goût de la rage. Dans les baffes, on les damne et vivent au rythme des expulsions. Dans les squats, les sans-papiers guettent les équipes du SWAT. Les banlieues sous tension, impulsion, destruction. Les échos du trottoir parlent d'RMI et dit des noirs. Dans les sphères de l'État, ces gars-là en savent que dalle. Dans quel atroce état sont ceux qui vivent sur la dalle? Toi, la femme oubliée, toi, la femme aux rêves brisés. Comme un oiseau sans aile dans une cage brouillée. À grands coups de slogans publicitaires, le mirage d'un paradis sur terre. On contemple le ciel, espoir artificiel. Me fait de la peine, toujours les mêmes problèmes. Again and again avec ceux qui nous gouvernent. J'ai la haine, la démocratie est leur emblème. Mais je vois la police avant qu'ils nous comprennent. À tel d'aime, tout le temps ils nous bassinent. Tant qu'on met jamais de prime. La corruption et le profit, leur meilleure discipline. Notre argent ils convoitent. Ils nous font des belles promesses, en fait ils nous exploitent. Ouais, ouais, ouais. Assemblée d'une fiction, la France a mal. Situation anormale, sur les trottoirs on dort mal. C'est trop tard pour se faire la malle. Trop noir pour qu'on s'emballe, c'est trop noir, je crie au scandale. Trop de gars ont la dalle, précarité banale. C'est la débâcle, y'en a qui se débattent. Souvent les mêmes qui mangent des pâtes, sans pâtes et traînent la patte. Nouveau contrat, nouvelle claque, nouveaux élus, nouvelle traque. Nouveau déçu par ces arnaques, l'État privatise, c'est nous qu'on braque. Sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Pour les mener vers d'autres lendemains. Sans au cœur de la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Oh, Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Je vois que de ton côté, tu as bien, bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est bien ruiné ou volé. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. Tremblante comme une jeune mariée, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ces paliers, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Thank you.

Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars, il y a des filles qui sur les pavés, sans arrêt nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Oui. Ah oui, ils sont nombreux les auditeurs et les auditrices de Sorgia FM qui nous font part de leurs bons souvenirs et surtout des coups de gueule de Michel dans l'émission qu'il animait le dimanche matin sur notre antenne. Et c'est avec un souvenir, avec ses souvenirs, qu'Alain Chevalier, René Balbeau qui est à la Croix-Rouge de Musinan, et puis Alain Chevalier qui est du côté de Saint-Germain-de-Joux, lui adresse des bons vœux de bonne retraite, mais également à la continuation de ces émissions dont ils ne peuvent se passer. Et oui, c'est en cela que toute l'équipe de Sorgia FM est également honorée. Merci les amis, merci et continuez bien d'écouter nos émissions. Nos émissions, elles sont faites pour vous et bien souvent par vous. Merci. Et pour égayer tout cela, un bon coup de Jura et ça va faire du bien à Michel et aussi à l'équipe de Sorgia FM. Pas besoin d'aller très très loin pour se croire irlandais. Quand tu passes le lac de Chalin ou tu plonges à Hillay, hey, y a bien des coins qui se ressemblent. Alors pourquoi pas croire qu'on n'est pas si loin de l'Irlande et qu'on aime chanter et boire. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup Jura ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup de Jura, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Qu'on aime l'art celtique et le chant des sirènes, quand elles oublient la politique et se saoulent de Freden. Chez nous, quand la bise est venue et que le blanc a coulé, on n'est pas pris au dépourvu, oh, si on se met à danser. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup de Jura, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup de Jura, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Pour peu que les verres de Savagnin défile sur les comptoirs, on peut entendre au petit matin la mère qui cogne fort. Si en plus la serveuse du bar veut se mettre au parfum, on est prêt à se croire dans un port et à jouer les marins. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup de Jura ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup de Jura, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. On a l'accent qui sait nous faire traîner, quand la musique nous apprend à rire et s'embrasser. Compte-toi, rends-toi, Léni ma foi, laisse-nous donc festoyer, qu'on recommence encore une fois comme dans les pubs irlandais. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup tu râles, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup tu râles, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup tu râles, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Et même si t'as pas dans ton verre du whisky ou de la bière, un coup tu râles, ça fera l'affaire, ça met la tête à l'envers. Sorgia FM, Sorgia. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel, et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Oh my God! Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a eu si souvent envie de me voiler la face. Je veux plus jamais me laisser faire. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui ont la cour en air, pas de palace à petit secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh non, je ne suis plus une enfant. J'en ai marre de faire semblant. Je veux plus jamais me laisser faire. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fier. Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. Dans le cœur, cette phrase qui guide mes pas. Dieu m'a donné la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi, pour toi. C'est la lumière qui guide nos pas. Dieu est là en moi, pour toi, ouais, c'est ça, ouais. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire

l'amour reste. Allez, dansons, joue contre joue. Sous-titrage Société Radio-Canada. à ceux qui ne savent pas ce qu'était autrefois mon coin de la Varenne. Je crois que je perdrais mon temps si je prenais la peine de le leur raconter. Quand venait le printemps de beau lilas, violet fleurissait par centaines, tandis que Tidora voltigeait des rengaines en forme de triolet. Et c'est là, un samedi, à ce que maman m'a dit, que je suis venu et que doucement j'ai grandi. La Java de la Varenne, dans la vie on n'oublie pas. Quand on a le cœur en peine, on la chante et puis ça va. Et quand vient la fin de la semaine, on la danse à petits pas. La Java de la Varenne, c'est la reine des Javas. On croit que ce sera sans fin la Java et l'amour, les filles et la jeunesse. Mais tout finit le jour où la France a besoin de ses gars de 20 ans. On part le cœur battant et on se retrouve au loin, baladant sa tristesse. Déguisé en vif, en artilleur de Metz ou en marin de Lorient, mon copain, mon petit gars, elle est loin, la Java, rejoue-la sur ton harmonica. La Java de la Varenne, dans la vie, on ne l'oublie pas. Quand on a le cœur en peine, on la chante et puis ça va. Ah, vivement que l'on revienne la danser à petits pas. La Java de la Varenne, c'est la reine des Javas. Je suis revenu, Dieu merci, et je vis toujours ici comme un vrai père tranquille. Pour nourrir ma famille, pendant 20 ans j'ai pris le même train pour Paris. Maintenant je n'attends plus rien, je voudrais seulement lorsque le soleil brille. Quand je dors dans mon jardin, qu'une Java bonne fille me prenne par la main en me disant, c'est fini, la Java de ta vie, à présent c'est au revoir et merci. La Java de la Varenne doucement me conduira. Et si j'ai le cœur en peine, je la chanterai et ça ira. Et bonne chance à ceux qui viennent la danser à petits pas. La Java de la Varenne, c'était la reine des Javas. La Java de la Varenne, c'était la reine des Javas. Sens des oiseaux, quoi écouter? L'eau qui rigole au caniveau de mon quartier, le vent qui vient tirer des plaintes aux peupliers, et toujours la folle complainte de Charles Trainé. À part à ta peau de sirène, à quoi toucher? À l'outil taillé dans le chêne ou l'olivier, au crayon que l'enfant promène sur un cahier, aux touches d'ivoire et d'ébène d'un vieux clavier. À part tes fruits défendus, à quoi goûter? À l'impossible, à l'imprévu et au danger, à ce long verre de vieux vin rouge si parfumé, à tes lèvres que tu entr'ouvres sous mes baisers. À part la lumière de douaneau, quoi regarder? La rivière au bord de l'eau, au mois de mai, l'enfant qui joue du violon, les Pyrénées, joli cul, tes seins bien ronds, tes yeux fermés. À part les coquelicots de juin, quoi respirer? Le pain qu'on partage et le vin qu'on a tiré, à la santé d'un bon copain, à l'amitié, à l'amour que j'ai dans les mains, m'a donné. La lumière vient. réveille mon voisin. Il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. J'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran tombait. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin à la cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'est que sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran tombé. Les héros que j'aimais, l'entracte terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. Glacés, hey. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon quartier. À 5h j'étais sorti. Mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le brumé. C'était vraiment bien l'enfance. C'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Mes chocolats glacés, glacés, hey, hey. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était sa dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur le cran tombé. Fermé. Le ferry.